soir. Vraiment ? Ah oui. Comme un coffre-fort que l'on aurait forcé, comme un fourgon Brinks qui se serait fait braquer, comme après les soldes dans les supermarchés, je suis vide. James vide. Comme un McDonald's après José Bové, comme une station totale qu'on aurait boycottée, comme une préfecture corse par une belle nuit d'été, je suis vide, je suis vide, je suis complètement vidé, vidé de toute volonté, et cela depuis que tu m'as quitté. Je sonne creux et j'ai des idées d'un déprimé chronique, comme les cinémas d'art et d'essai, comme l'audimat tous les soirs sur Arte, et comme le 20h de Claire Chazal et PPD. Je suis vide comme les mots d'une chanson de Johnny Hallyday, et comme si l'Olympia programmait Jean-Luc Lahaye, comme les lèvres de Cher et les seins de Maria Carré, je suis vide, je suis vide, je suis complètement vidé, vidé de toute volonté, et cela depuis que tu m'as quitté. Je sonne creux et j'ai des idées d'un fonctionnaire de la République. Soir à l'Elysée, et comme les belles promesses de Jospin et Voynet, comme le cœur et la tête de Le Pen et Maigret, je suis vide, comme la portée philosophique d'un film pornographique, comme le cerveau d'une blonde devant une télescopique, et comme mes coucougnettes après une nuit fantastique. Je suis vide, je suis vide, je suis complètement vidé, vidé de toute volonté, et ça depuis que tu m'as quitté. Oh vide, un peu comme une huître empaillée, je sonne creux et j'ai des idées, un énorme poétique. Comme ces rimes à la con qui commencent à me brouter, et comme cette chanson qui va faire un succès. Je